Cette journée parut longue. Quelque audacieux qu'ils fussent, les voyageurs se sentaient vivement impressionnés à l'approche de cet instant qui devait tout décider, ou leur chute vers la lune, ou leur éternel enchaînement dans un orbe immuable. La journée se passa sans incident. Le menu terrestre arriva. Le 8 décembre allait commencer. Une heure encore, et le point d'égale attraction serait atteint. Déjà, le chapeau conique du projectile était sensiblement tourné vers le disque lunaire. Le boulet se présentait de manière à utiliser tout le recul produit par la poussée des appareils fusants. « 1h-5 minutes, » dit Nicholl. En ce moment, la pesanteur ne produisait plus aucun effet. « 1 heure, » dit Barbicane. Michel Ardan approcha la mèche enflammée d'un artifice qui mettait les fusées en communication instantanée. Aucune détonation ne se fit entendre à l'intérieur où l'air manquait. Mais par les hublots, Barbicane aperçut un fusement prolongé dont la déflagration s'éteignit aussitôt. Le projectile éprouva une certaine secousse qui fut très sensiblement ressentie à l'intérieur. Les trois amis regardaient, écoutaient sans parler, respirant à peine. On aurait entendu battre leur cœur au milieu de ce silence absolu. « Tombons-nous ? » demanda enfin Michel Ardan. En ce moment, Barbicane, quittant la vitre des hublots, se retourna vers ses deux compagnons. Il était affreusement pâle, le front plissé, les lèvres contractées. « Nous tombons, » dit-il. « Ah ! » s'écria Michel Ardan. « Vers la lune ?»« Vers la terre, » répondit Barbicane. « Diable ! » s'écria Michel Ardan. Et il ajouta philosophiquement. « Bon, en entrant dans ce boulet, nous nous doutons bien qu'il ne serait pas facile d'en sortir. » En effet, cette chute épouvantable commençait. La vitesse conservée par le projectile l'avait porté au-delà du point mort. L'explosion des fusées n'avait pu l'enrayer. Cette vitesse, qui à l'aller avait entraîné le projectile en dehors de la ligne neutre, l'entraînait encore au retour. C'était une chute terrible, d'une hauteur de 78 000 lieues et qu'aucun ressort ne pourrait amoindrir. « Nous sommes perdus, » dit froidement Nicholl. « Eh bien, si nous mourons, » répondit Barbicane, avec une sorte d'enthousiasme religieux, « le résultat de notre voyage sera magnifiquement élargi. C'est son secret lui-même que Dieu nous dira. Dans l'autre vie, l'âme n'aura besoin, pour savoir, ni de machine ni d'engin. Elle s'identifiera avec l'éternelle sagesse. » « Au fait, » répliqua Michel Ardan, « l'autre monde tout entier peut bien nous consoler de cet astre infime qui s'appelle la Lune. » Barbicane croisa ses bras sur sa poitrine par un mouvement de sublime résignation. « À la volonté du ciel, » dit-il.